en nous appelant au 3210, en donnant la bonne réponse. Et donc, il est maintenant dans la valise. Faites bien attention si vous êtes appelé aujourd'hui par Laurent et ses camarades. Merci à toute l'équipe de laisser vous tenter. On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Alors Julien, je sais que votre spectacle arrive en gare d'Enghien-les-Bains, si j'ai bien compris. Dans demain, le casino. Voilà. Ah, au casino. Oh, mais comme Michel Polnareff. Oh, mais c'est somptueux, ça. Voilà. Enfin, moi, c'est je parle de la supérette. Hein, si je jouerais entre le rayon surgelé et le rayon bricolage. Non, au casino. Vous jouez un petit peu au casino? Ah, pas du tout. Je suis sûr qu'il faut surtout pas que j'aille là-dedans. Moi, je reviens de Las Vegas, j'ai mis une pièce. Non, mais parfait. J'aurai une petite faiblesse, je le sens. Allez, c'est un bon week-end. Bonne émission et bon spectacle demain. Ça marche. Merci beaucoup. Nous allons démarrer. Voici maintenant, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, l'émission de ce vendredi. Sachant qu'on revient souvent le vendredi sur tous les cas qui ont bloqué pour les débloquer. Mais il y a quand même de l'inédit. Il y a Jean-Marc. Je vous appelle de Paris où je gère un magasin de réparation et de location de deux roues. Un client m'a fait un chèque en bois alors que j'ai réparé sa moto-taxi accidentée. J'ai dû aller en justice et il a été condamné à me verser 9000 euros. J'attends toujours qu'il me règle. Attention, un taxi qui n'aurait pas payé 9000 euros, que se passe-t-il? Nous allons en savoir plus dans quelques instants, tout comme pour Fred, que je vais d'ailleurs oublier. On m'a dit pendant un quart d'heure, pour Fred, il n'y aura pas la bande-annonce. Nous avons eu un problème, j'ai dit oui, c'est bon. Et à un moment donné, je me suis même énervé. J'ai même dit au technicien réalisateur, tu vas pas me le répéter toute la matinée. Eh bien, il avait raison, car j'ai complètement oublié. Donc Fred, qu'est-ce qui lui arrive à Fred, Charlotte? Eh bien, la même chose que Véronique, qui est passée hier et qui avait eu 15 heures de retard d'avion. Il a écouté l'émission, il nous a appelé. Il nous a appelé en direct en nous disant, vous me faites rire avec vos 15 heures d'heure. Soyons sérieux. On lui dit, mais pourquoi vous nous dites ça, monsieur? Parce que moi, c'est 17, monsieur. Voilà. Alors donc, du coup, on va le prendre. Voilà. Et puis, il y aura donc des retours de cas. On aura également Véronique. Je vous appelle de Seine-Saint-Denis. On est passé par une agence de voyage pour nos vacances d'été. Et au retour, on a vécu un véritable cauchemar. On a même dû dormir à même les sièges de l'aéroport. Et nous sommes revenus à Paris avec 15 heures de retard sur l'horaire initial. Et depuis, l'agence ne nous indemnise pas. Donc, c'est le retour sur Véronique. Nous verrons bien si Bernard a pu obtenir quelque chose. Il y a autour de moi toute l'équipe. Il y a Maître Fellono, votre avocate qui est là. Bonjour, bonjour Nathalie. Bernard Sabat pour négocier. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard, Charlotte, JB, Céline. Réalisation Xavier Kassovitch. Vous écoutez le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France. Et je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end à tous. Pour intervenir pendant l'émission en direct ou pour y participer ou pour nous aider à faire avancer les dossiers, vous pouvez faire le 3210. 50 centimes d'euros la nuit. Ou pour une gratuité totale, Facebook, la page ça peut vous arriver ou encore RTL.fr. Jean-Marc est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous n'êtes pas le seul à être en ligne avec nous, car notre huissier préféré, l'homme du vendredi, on l'appelle The Friday Black Huissier, Maître Fix est avec nous également. Bonjour Maître. Bonjour Julien. Ça me fait plaisir de vous entendre Maître. Non mais c'est le vrai. Le vendredi tout est permis. Hein. Il me tarde, très bon Maître, il me tarde souvent que des auditeurs se fassent plumer injustement pour que je puisse vous avoir en ligne. Non, je plaisante. Jean-Marc, expliquez à Maître Fix et surtout aux auditeurs d'RTL ce qui vous arrive et nous allons tout faire pour vous aider. C'est parti. Alors, ce qui m'arrive, c'est un peu plus grave qu'un chèque en bois parce qu'en fait, un client m'amène une moto avec laquelle il a eu un accident. L'expert de l'assurance vient se mettre d'accord sur le prix des réparations. Pour lancer les réparations, le client me donne un chèque de 1500 euros. Et pour couvrir la totalité des réparations en attendant que l'assurance le rembourse, il me donne un deuxième chèque de 7500 euros. Le premier chèque, au bout de 3 semaines, revient aux positions compte clôturé. Parce que vous avez réparé la moto en combien de temps? Alors, en fait, si vous voulez, la moto, on l'a réparée à peu près de mémoire en une quinzaine de jours. Il faut que les experts viennent, que commander les pièces, les recevoir. Donc forcément, ça prend du temps. Et pour être le plus agréable possible avec le client, on lui a rendu sa moto le plus vite possible parce qu'il en avait besoin. Donc avant de vérifier que les chèques avaient bien été encaissés. Voilà. Et comme la banque, la première, met 3 semaines à nous dire que le chèque est sur un compte clôturé, moi je ne peux pas garder la moto du client 3 semaines. Ça, c'est une autre. Je suis bien obligé de lui rendre. Alors ça, c'est encore une autre notion. On verra ça avec Maître Fellono, car on peut faire un chèque en bois sur un compte qui n'est pas crédité. Mais là, il l'a fait sur un compte qui était clôturé. Depuis 4 ans. Accessoirement. Maître Fix, vous avez pu étudier un peu le dossier avant qu'on lance les appels. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Maître Fix, ouais, je le rappelle, huissier de justice. Tout à fait, Julien. Effectivement, là, dans votre cas, il est porteur maintenant d'une décision de justice. Hein. Son client a été condamné manifestement, il était de mauvaise foi lorsqu'il a fait ses chèques. Et ensuite, la banque elle-même, vous vous rappelez, elle a aussi accepté l'opposition pour que ce chèque ne soit pas payé pour le deuxième chèque. Donc là, la banque, la décision de justice a été signifiée au débiteur, elle a été signifiée à la banque. Et maintenant, la banque, votre auditeur a déposé ce chèque. Et normalement, on attend dans les jours à venir, normalement, que ce chèque soit payé. Pour autant, j'ai l'impression, moi, j'ai pu appeler mon confrère, que la banque traîne un petit peu des pieds. Donc, on aurait peut-être besoin de Julien Courbet, là, peut-être pour les services de la banque. On va appeler Julien Courbet pour voir s'il est d'accord pour s'occuper de ce cas. Mais, ne le dites pas sur ce ton-là. Bon, appelez-le, vouloir dire, ça n'apportera rien. Juste, maître Fellono, qui doit payer exactement, alors? Qui doit payer? Ah ben le. Je vous ai réveillé peut-être. Je suis surprise. Quand on répète la question en général, c'est qu'on n'était pas du tout dans le coup. Je suis surprise par la question parce qu'effectivement, c'est bien évidemment en premier lieu le monsieur qui a commandé les travaux. Et la banque. Voilà. Et ensuite, comme il y a eu une opposition, on attend que la banque lève l'opposition pour pouvoir regarder si ce chèque de 7000 et quelques euros, le deuxième chèque, qui est toujours en possession de notre auditeur, eh bien, il l'a redéposé une deuxième fois en espérant que cette fois-ci, il y a de l'argent sur le compte et qu'on va le lui payer. Mais je croyais qu'il était clôturé. Alors attendez, justement, pour donner le détail, il y a eu deux chèques. Un premier chèque au nom d'une société qui est effectivement clôturée, ça 1 500 euros, ceux-là on les oublie. Restez sur celui-là, est-ce que c'est du pénal ça de faire un chèque sachant que le compte est clôturé? Évidemment, c'est un abus de confiance que de savoir qu'on remet un instrument de paiement qui, de toutes les façons, est totalement obsolète. Et le deuxième? Deuxièmement, ça c'était un chèque sur son compte personnel et c'est ça qui a fait l'objet de la procédure. On demande effectivement à ce que ce chèque qui a été frappé de opposition, il y a la banque de ce client lève l'opposition. Et on n'arrive pas, et ça tarde, que ce soit la banque de notre auditeur, que ce soit la banque du client indélicat, on n'arrive pas à avoir une position précise. Bon, alors, est-ce que vous pouvez rester quelques minutes avec nous, Maître Fix? Je marque une petite pause et ensuite on appelle. Bon, parfait. Je rappelle que Maître Fix est, avant tout, le meilleur huissier de France, on le savait, certainement le plus sexy. J'ai assisté, moi, à des scènes de liesse incroyables de femmes qui disait volontairement qu'il voulait qu'il vienne prendre les canapés et tout. J'en ai entendu hurler. Oh oui, saisis-moi. Vous vous rendez compte, des trucs de dingue. Donc il a fallu le calmer un peu, mais c'est vrai. Maître Fix, il faut dire les choses. Quand on en arrive comme ça à provoquer une telle passion, c'est de la folie, quoi. Des gens qui seraient prêts à se débarrasser de leur téléviseur, canapé et tout pour qu'ils viennent voir le grand Maître Fix qui est avec nous. Le deuxième cas arrive également. Hier, Fred écoutait l'émission et il a entendu le cas de Véronique et ses 15 heures de retard d'avion. Il lui arrivait la même chose, alors il nous a appelé pour qu'on l'aide. Et on embrasse Madame Fix qui prépare un accueil musclé à son mari ce soir. A tout de suite pour l'appel téléphonique sur RTL. En France, 2,3 millions d'hommes souffrent de problèmes de prostate pouvant impacter leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Docteur Mimoun. Jacques, vous avez 64 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles en sont les conséquences dans votre vie? Je suis passionné de cinéma, mais je peux plus voir un film en entier et je dois choisir ma place à proximité de la sortie pour aller aux toilettes. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour commencer, ne vous retenez pas quand une envie pressante se fait sentir. En plus de conseils hygiéno-diététiques simples, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, bougez plus. Passez une bonne matinée sur RTL. Pendant ce temps chez Renault, Faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99 € par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000 € plus 36 loyers de 99 €. Si Accordiac, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 € hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 15 € en bon d'achat tous les 50 € d'achat sur tous les jouets. Non mais c'est génial, 15 € en bon d'achat sur tous les jouets. Résultat des courses, les meilleures économies, c'est chez Carrefour. Un Père Noël. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive et chez Carrefour Market, il y a 15 € en bon d'achat tous les 50 € d'achat sur tous les jouets. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Limité à 150 € d'achat hors console, jeux vidéo, accessoires, cycles et trottinettes. Bon d'achat valable du 3 au 9 décembre. Modalité, liste des magasins participants et ouverts dimanche sur carrefour.fr. Imaginez, votre nuque est soutenue, votre dos reposé, Vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort. Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation s'invitent chez Topair. Osez le confort absolu. Venez essayer les fauteuils Stressless et la gamme Scandinave Relax. Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité. En ce moment, conditions exceptionnelles. Espace Topair, Paris 15e, 3000 m² pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous sommes toujours avec Jean-Marc qui nous a parlé de son histoire de moto. Jean-Marc répare des deux roues. Un de ses clients a fait réparer sa moto-taxi chez lui, mais il lui a laissé un chèque venant d'un compte clôturé et un chèque sur lequel il a fait opposition. Allez, nous allons maintenant appeler celui qui doit visiblement 9 566 € afin qu'il puisse nous donner sa version des faits. C'est parti, l'appel est lancé tout de suite. Après, on verra s'il convient d'appeler la banque. Vous nous redirez pourquoi, Maître Fellonneau. Oui, allô ? Ah oui, allô, bonjour. C'est Abdelkader. Bonjour. Oui, c'est qui à l'appareil ? C'est Julien Courbet, c'est la radio RTL, Abdelkader. Je suis en direct. Oui, nous sommes en direct et je suis avec Jean-Marc Poujade de PLM Motorail qui nous dit que vous lui devez 9 566 € pour la réparation de la moto que vous lui avez laissée avec un chèque fait sur un compte clôturé. C'est totalement faux, monsieur. Il vous raconte des histoires. Il m'a fait une facture acquittée de la somme totale. Je lui ai payé et là, je ne comprends pas comme quoi qu'il vous fait passer par la radio. Ah, mais monsieur, on a tout le dossier, on a la banque. J'ai même l'huissier de justice qui a pu appeler son confrère. Vous avez un jugement, monsieur. Vous savez que vous avez été jugé. Oui, voilà. Ça, c'est fort quand même. Mais c'est une façon de se défendre qui est tout à fait originale et c'est la sienne, il a le droit. Donc, on va rappeler Abdelkader Guedioni. Qui nous dit donc qu'il a payé, alors qu'il y a eu un jugement. On n'est pas en train de parler de supposition. Alors, il a payé, certes, mais avec des chèques qui n'étaient pas utilisables. Donc moi, j'appelle pas ça un paiement libératoire. Et c'est alors après, le coup de la facture, j'ai pas compris. Un mot, maître fixe, sur ce que vous venez d'entendre. Eh bien, écoutez, malheureusement, ça continue. C'est quelqu'un qui, manifestement, est de mauvaise foi. Moi, ce que je propose à votre auditeur, c'est que là, il faut passer la seconde. Il faut, aujourd'hui, s'il va avoir ma consœur à Paris, on va pouvoir bloquer la carte grise de son véhicule. Ça va être fait dans la journée. Ouais. Déjà, il ne pourra plus en disposer. Qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse moto, je suppose, Jean-Marc ? Bien sûr. C'est quoi comme moto ? C'est une Honda Goldwyn. Ah oui, les fameux Goldwyn, des taxis. Dans notre garage. Ouais. Mais malheureusement, aux dernières nouvelles que j'ai eues, je crois qu'il a eu un autre accident avec la moto et qu'il l'a vendue. D'accord. Bon, eh ben alors, on verra bien ce qu'il a. Alors, on appelle M. Abdelkader Guedioni. M. Abdelkader Guedioni, qui est à Vitry-sur-Seine, de bien vouloir nous rappeler, de bien vouloir comprendre que nous ne sommes pas non plus des perdreaux de l'année. Nous avons des documents, nous avons enquêté, donc il y a un jugement, ce n'est pas des oui-dire. Et qu'il y a surtout, et je voudrais insister là-dessus, pourquoi nous appelons aussi ? Parce qu'aujourd'hui, la conséquence est que cet impayé, Jean-Marc, vous met dans quelle situation ? Ah, il serait en ligne. Monsieur Abdelkader, bonjour de nouveau, Julien Courbet, ça a raccroché ? Oui, ça a coupé, oui. Alors je vous disais que clairement, au niveau de la situation, il y a clairement un quiproquo parce qu'il m'a attaqué en justice. Et il a gagné. J'attends toujours. Ça a été signifié. Écoutez ce que vous dit l'huissier de justice. C'est très important que vous m'écoutiez, Abdelkader. Après, franchement, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Maître fixe, est-ce que le jugement a été signifié ? Oui, tout à fait. Donc, d'abord, il a eu l'assignation et ensuite, le jugement lui a été signifié par une étude dans le 94 à Vitry qui s'appelle l'étude Bernard. Voilà. L'étude Bernard est venue vous signifier le jugement. Et que dit le jugement, s'il vous plaît, maître fixe ? Eh bien, il le condamne, il demande à la banque de lever l'interdiction bancaire et il le condamne à payer à la dette les plus de 9 000 € qu'il n'a pas honoré. Mais monsieur Guedioni, vous avez bien vu sur vos comptes que vous n'avez pas eu 9 566 € de débité. Vous le voyez, non, ça bien. Mais c'était pas le comment dirais-je, c'était pas la somme que je lui devais à la base. Alors, maître Fellonneau. Oui, mais c'est-à-dire, monsieur, excusez-moi, c'est que le tribunal, il a rajouté 2 000 € parce qu'il estime que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà, parce que vous avez payé avec premier chèque de société, monsieur, qui était la société était fermée depuis 4 ans, donc vous avez utilisé un chèque que vous auriez dû... Dites-nous juste si c'est vrai ou pas. Est-ce que vous avez fait un chèque sur une société qui était fermée depuis 4 ans, monsieur ? Allô ? Oui. Est-ce que vous avez fait un chèque sur une société qui était... Ah, Julien, c'est énorme. Non, mais c'est énorme. Le cartel investit dans le téléphone. Là. C'est énorme. Parce qu'en fait, tu dis, bonjour monsieur, on voulait savoir s'il faisait beau chez vous. Oui, il fait très très beau. Et est-ce que vous avez l'heure ? Oui, il est 9h44. Et sinon, vous êtes parti en vacances ? Oui, j'étais en Espagne. Vous avez fait un chèque sur une société fermée ? Tout d'un coup, le réseau s'affole. On n'est pas disponible. On lui laisse un message. Oui, alors ça, pour la deuxième fois raccroché, monsieur Guédioni, nous sommes en direct sur la radio RTL. Donc je rappelle que nous avons un jugement et la question qui vous est posée est: avez-vous fait, oui ou non, un chèque sur une société qui était fermée depuis 4 ans, ce qui est du pénal? Donc aujourd'hui, eh bien, nous continuons d'aider monsieur Pouget de Motorail, qui a un trou de trésorerie de 9 566 euros, qui... En fait, au départ, vous lui devez 7 566 euros, mais le juge, ayant vu ce qui s'était passé, a rajouté en bonus 2 000. Donc, monsieur, nous reviendrons si vous ne nous répondez pas, parce que je me dois absolument de vous laisser la parole afin que vous puissiez, sur l'antenne d'RTL, là, on n'a pas trop eu le temps de vous laisser parler parce qu'il fallait que vous expliquiez la situation. Maintenant, nous avons 1 heure et quart à votre disposition. Donc, on va vous laisser un numéro. Vous nous appelez, vous parlerez 30 minutes d'affilée si vous le voulez. Mais il faut que vous nous donniez votre version parce que ce qui a été dit est très, très grave, monsieur. Et alors, le deuxième chèque aujourd'hui qu'on essaye d'encaisser à nouveau, là c'était un chèque sur son compte personnel qui était un compte cette fois-ci qui n'était pas clôturé, donc un chèque tout à fait autorisé. La seule chose, c'est qu'il en a bloqué le paiement en déclarant « je fais opposition pour perte ». Or, ce chèque, il n'est pas perdu puisqu'il est dans les mains de notre auditeur. Non. Un chèque, on est bien d'accord, sur une société fermée, et un deuxième que l'on a perdu alors que le commerçant qui doit l'encaisser l'a entre les mains. Exactement. Ça fait beaucoup, maître Fix, quand même. Donc, on attend un petit peu. Oui, mais c'est clair. Voilà, vous êtes face à un débiteur qui, malheureusement, a tout fait pour se défiler de ses obligations. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'auditeur confie le dossier à l'étude pour pouvoir faire des recouvrements, faire des enquêtes de surveillance. Trouver s'il y a d'autres banques, d'autres biens ou d'autres véhicules, bloquer les cartes grises. Enfin, voilà, moi, si vous voulez, on peut s'en occuper. On va avec faire plaisir. Ça rapidement avec plaisir, parce qu'il en a marre. Donc, j'étais en train de lui dire, oui, c'est un vrai trou de trésorerie pour vous. Ah bah, c'est considérable. Moi, je m'excuse, je profite de l'antenne auprès des quelques fournisseurs qui me tirent les oreilles parce que je ne les paye pas. Mais et voilà, ils comprennent sur chaîne maintenant. Bah, bien sûr. Merci beaucoup. Enfin, vous bougez pas. Hein. Nous allons continuer avec Monsieur Guédioni. Ça devient le dossier du moment et nous y reviendrons à peu près tous les jours pour pouvoir régler ce problème parce qu'il en a marre, Jean-Marc. Et il nous dit hein, j'ai réparé la moto, j'ai pas reçu un Fabio Guédioni. Aussi, j'ai pas reçu le thune, le chèque était bien en moi. Guédioni. Aussi. Vous vouliez dire, mon petit JB, quelque chose de certainement plus intéressant que ce que j'étais en train de dire. Oh, peut-être pas, mais je voulais juste ajouter que M. Guédioni était gérant d'un bar à chicha. Ah ! Et ce bar à chicha a été vendu il y a un mois. Ah ben voilà ! Pour la somme de 100 000 euros. Vous le saviez, ça, maître fixe ? Alors, je l'ai vu dans les pièces, mais j'avais pas vu le justificatif. Mais par contre, ça, c'est très intéressant parce que peut-être on pourrait faire une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce. Mais il faudrait le faire vite parce que là, ils nous écoutent. Inutile de vous dire que ça peut aller très vite, l'histoire. Alors, donc, les fonds sont bloqués chez un CCAS quand c'est les ventes de fonds, donc il pourra pas le débloquer normalement. Donc, c'est une bonne information, ça. Oui, alors, oui, bravo, JB. Nous allons donc vous laisser avancer là-dessus, maître Fix. Si par contre, avant qu'il y ait tout ce pataquès, monsieur Guédioni, il suffit qu'il nous appelle, il trouve un accord, un échéancier, enfin, il y a toujours quelque chose de faisable, c'est à lui de voir. Abdelkader Guédioni, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Guédioni, est à Vitry-sur-Seine. Voilà, on va essayer de le rappeler tout à l'heure. Il aura tout le temps pour s'exprimer s'il le souhaite, une heure même s'il le faut. Merci maître Fick, je vous tiens au courant. Merci beaucoup. D'accord, merci, bonne émission. Bonne journée. Non, non, mademoiselle, s'il vous plaît, une jeune femme voulait se faire saisir, je l'empêche. Non, ça suffit, il a maintenant du boulot. Allez, c'est parti, soyons un peu. Un peu quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui passe maintenant? Ah, c'est de la pub, très bien. On ne va pas écouter Elvis Presley? Après. Surtout, vous faites votre émission comme vous le voulez, Xavier Kassovitch. Je m'adapte, c'est un petit peu mon métier. Vous êtes sur RTL, d'ores et déjà, bon week-end à tous. Un deuxième qui arrive dans une seconde. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Bon, des nouvelles de Lidl? Ah, elle est toute fraîche, hein? Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus? Plus? Bah, ils prolongent l'opération jusqu'au 31 décembre. Pour 15 euros d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah bah, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. Avec Conforama, Noël est plus beau. Et si les cadeaux commençaient plus tôt cette année? Le calendrier de l'Avent, c'est dès le 1er décembre chez Conforama. Chaque jour jusqu'au 24 décembre, nous vous réservons une offre exceptionnelle. Alors rendez-vous vite en magasin et sur le site pour en profiter. Conforama, conditions en magasin et sur conforama.fr. Il y a les vins très... Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer.

Richard, Jean-Alphonse Richard vous racontera demain la vie d'Elvis Presley, le King, à 13h30 sur RTL. Le cas numéro 2, Charlotte, c'est le cas de notre ami... De notre ami Fred, qui est parti en vacances en Grèce et qui a eu plus de 16 heures de retard sur son vol retour. Il attend une indemnisation. Je crois qu'il est en ligne avec nous. Bonjour Fred. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien avec vous. Ouais, très bien, merci Fred. Allez-y, racontez votre mésaventure aux auditeurs d'RTL. Alors, des vacances parfaites à Rhodes. On repart le 29 juillet. Donc on quitte l'hôtel vers 21h, 21h30. On arrive à l'aéroport 22h. C'était complet au niveau de l'aéroport et on nous a dit qu'il y avait un problème d'enregistrement et qu'il fallait pas sortir et qu'on allait partir un peu plus tard. D'accord. Donc au départ, sur l'écran, il nous affiche qu'il y avait une heure de retard. Et d'un coup, l'avion a disparu et on est resté là jusque le lendemain, 18h, 16h40. Et on ne vous a rien proposé ? Non, du tout. C'est un truc de dingue, ça. On a dit, soi-disant, tout était complet. Et on est resté dans le rôle de l'aéroport. On vous a fourni quand même généreusement 36 euros pour vous restaurer la famille à l'aéroport. Retour en France, vous avez évidemment fait une réclamation à l'agence de voyage. Elle vous a proposé quoi ? Écoutez bien, mesdames et messieurs, la proposition. 50 euros par personne en bon d'achat chez eux. En bon d'achat, c'est même pas un remboursement. Donc je pense qu'il va y avoir un coup de gueule immédiat de notre ami Bernard Sabat, spécialiste du voyage, 34 ans dans le métier. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Je ne comprends pas que ces agences de voyage proposent des compensations qui ne sont pas légales. Dans tous les cas, le principe, c'est un forfait. Il y a une anomalie avec la compagnie aérienne. On a vendu un forfait. Donc, ils doivent se débrouiller avec le tour opérateur et la compagnie aérienne. Et on ne peut pas impunément proposer 60 euros de dédommagement. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. En plus, ce sont des grands groupes, c'est des gens sérieux. L'agence en question, ce gros réseau. Donc, pourquoi cette proposition ? Ça, j'aimerais bien qu'on m'explique le pourquoi du comment dans le service après-vente. Non, mais surtout qu'ils comprennent que... Alors, il faut qu'on se mette tous d'accord aussi sur le fait que nous allons avoir ce genre de situation qui va se multiplier. Tous autant que nous sommes, il y a tellement d'avions, tellement de réparations, tellement de vols, c'est un marché en totale explosion. Donc il arrive un moment donné où l'avion ne part pas. Certes, mais la moindre des choses quand vous êtes à l'étranger, quand on vous annonce 17 heures de retard, c'est d'essayer de vous trouver une compensation d'une manière ou d'une autre. Et au pire du pire, si on ne vous la trouve pas, au moins de vous rembourser intégralement ce que vous avez payé. Mais ce n'est pas le cas, donc il va falloir appeler. Donc on passe par quoi ? Par une agence de voyage ? C'était un forfait ? Exactement, c'est un forfait, donc on appelle l'agence et avec tout l'aspect que je lui dois déjà au départ, qu'elle se débrouille c'est avec ses problème. Partenaires et ses prestataires, Julien. Allez, nous allons vous aider, Fred, d'accord ? Vous qui êtes dans le, Nord ? Oui, c'est ça, oui. Bon, allez, c'est parti pour Fred ! Ok, Fred, que va rester de coucher ? Ok, Fred, dans l'aéroport sur le parquet ? Ok, Fred, et tu vas avoir 3 euros. Faire tes 20 repas à venir. A tout de suite sur l'antenne d'RTL, mesdames et messieurs, pour régler Fred. Et si on pensait au Roquefort ? Une baguette encore un peu chaude ? Une pointe de miel ? Du Roquefort déposé, à peine étalé, tout simplement. Et là, tu croques, tu dégustes. Mmh, c'est tellement bon. Roquefort. Le goût haut et fort. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Christine Arnoux, à Caen, nous dit pourquoi. Le jour où je suis passée au progressif, c'est M. Saub qui m'a pris en charge. Comme je suis une myope plus, il a cherché à obtenir des verres les plus amincis possibles. Et du jour au lendemain où j'ai changé pour des progressifs, ça a été tellement bien fait, je n'ai jamais été perturbée. Et en fait, je pense sincèrement que les verres Essilor Varilux que m'a conseillé mon opticien, ils sont pour beaucoup. Xavier Staube, l'opticien Optique 2000 de Mme Arnoux, à Caen. Notre priorité, c'est de bien connaître nos clients pour pouvoir leur proposer des services et des équipements totalement personnalisés. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tous les papiers. Alors, Mme Arnoux, contente d'Optique 2000 ? Ah oui, oui, tout à fait. Et en plus, il gère tout pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Passez un hiver serein. Faites entretenir votre véhicule chez Best Drive. En ce moment, c'est jusqu'à 150 euros remboursés sur les pneus Continental. Sans oublier les offres promotionnelles sur le freinage et les batteries. Partez en toute sécurité et profitez. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018. Conditions sur bestdrive.fr. Intersport. Marc a toujours le même look en hiver. Il n'ose même pas sortir de la maison. Mais cette année, Anne lui a trouvé le cadeau idéal, une doudoune Fila. Anne, les sorties, les balades en forêt, les week-ends en amoureux. Du 27 novembre au 24 décembre, célébrons Noël chez Intersport. La doudoune Fila Floyd Puff est à 49,99€ au lieu de 89,99€. C'est 44% de réduction et 100% de chaleur en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël de Stéphane qui changent. Avec des bons d'achat de 5€ à valoir au rayon jouets. Stéphane, des 50€ d'achat, tu reçois un bon de 5€. Tu peux dire à tes enfants que cette année, la hotte du Père Noël sera plus grande que celle de l'année dernière. Jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan, Auchan Drive et Auchan.fr vous offrent 5€ en bons d'achat tous les 50€ d'achat. Et vos cadeaux changent. Auchan. Dans la limite de 3 bons cumulables, soit 15€ à valoir au rayon jouets. Réservé aux porteurs de la carte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Merci d'avoir choisi le 9h30-11h, l'émission la plus écoutée de France qui règle vos problèmes chaque matin par la négociation. Deux cas ont été lancés, les appels suivent. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Bénédicte Tasser, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. La garde à vue de Carlos Ghosn prolongée à l'instant par le parquet de Tokyo. Le tribunal approuve donc la prolongation de la garde à vue de Carlos Ghosn pour une durée de 10 jours supplémentaires, soit jusqu'au 10 décembre prochain. C'est ce que rapportent les grands médias japonais. À cette date, le 10 décembre, le puissant patron qui reste PDG de Renault mais qui a été révoqué de chez Nissan et de chez Mitsubishi pourra être libéré sans charge ou inculpé. On rappelle qu'il a été arrêté le 19 novembre sur des soupçons de dissimulation de revenus. La mise en garde de François Bayrou à Emmanuel Macron. À un moment, on ne peut pas gouverner contre le peuple et il ne faut pas ajouter des charges aux charges, avertit ce matin le patron du Modem et partenaire de la majorité. Pour François Bayrou, les réponses aux Gilets jaunes sont soit insuffisantes, soit n'ont pas encore été trouvées. Une délégation des Gilets jaunes sera reçue à Matignon cet après-midi à 14h. Aujourd'hui, les Champs-Élysées se préparent pour la manifestation de demain. L'avenue sera uniquement ouverte aux piétons avec des contrôles d'identité systématiques, un dispositif policier très serré. Les commerces, les hôtels et les restaurants, eux, s'apprêtent à retirer leurs terrasses demain et à se barricader. L'inflation en léger recul au mois de novembre, 1,9% sur un an, après avoir atteint 2,2% en octobre dernier. Un fléchissement en raison du ralentissement des prix de l'énergie dans le sillage des cours du pétrole, c'est ce qu'indique l'INSEE ce matin. Le G20 en Argentine, le rendez-vous des puissants de la planète, Angela Merkel arrivera juste à temps pour le dîner. Après une panne de son avion, l'appareil de la chancelière allemande a dû se poser d'urgence à Cologne. Ce n'est peut-être pas un simple incident. Les enquêteurs étudient une éventuelle piste criminelle. Le capitaine de l'Airbus a évoqué un arrêt sans précédent des systèmes de communication. Angela Merkel est donc finalement partie avec une délégation restreinte à bord d'un avion sur une ligne commerciale entre Paris et Buenos Aires. Elle atterrira avec plus de 12 heures de retard par rapport à son programme initial. Ses rencontres bilatérales avec les présidents chinois et américains ont été annulées. La Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 ouvre en légère baisse à moins 0,24% en attendant ce G20. Les courses, le tiercé quarté quinté plus, c'est en nocturne à Vincennes. Et voici les pronostics de Claude-Pierre Santi. Le 16, le 14, le 3, le 6, l'As, le 7, le 8 et le 12. La dernière minute, c'est le 6, dont Salluste. Le temps pour cet après-midi, des pluies modérées de la vallée du Rhône à la Provence avec quelques coups de tonnerre ce soir sur la Côte d'Azur, un peu de neige sur les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. En Corse, la pluie n'arrivera que la nuit prochaine et à l'ouest, un ciel variable entre éclaircies et averses. Sur le reste du pays, les averses se raréfient. Les températures 10 à 14 degrés en général, un peu moins 7 à 9 degrés de l'Alsace à Rhône-Alpes, 17 degrés sur les rivages de Corse. Fabriqués en France, les oreillers et couettes Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. 10h et bientôt 4 minutes sur RTL et on retrouve Julien Courbet. Oh, vous en avez fait chavirer des cœurs, hein, Bénédicte. C'est vrai. Oh, bah, on les entend tous en train de chanter. J'en ai marre de cette tasse-là, marre de cette tasse-là. J'étais bien mieux avant, câliné par maman. Alors, je suis flattée. Bah écoutez, à tout à l'heure 11h. Je ne pourrais pas en faire une à chaque fois, je vous le dis tout de suite. Celle-là, ça tombait bien, mais on va laisser respirer un petit peu maintenant. Voici le point info, si vous le voulez bien, sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et nous avons démarré avec Jean-Marc et Charlotte. Il a saisi la justice suite à un impayé de plus de 9000 euros. Il a gagné, mais son client ne respecte pas la condamnation. Drôle de dossier quand même, Maître Felonneau, car on s'aperçoit donc qu'il y a une condamnation. Le monsieur semblait ignorer qu'il y avait une condamnation, mais Maître Fix, notre huissier, lui a rappelé que ce jugement lui a été signifié par un huissier. Mm-hmm. Donc il sait parfaitement qu'il a été condamné. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il y a deux chèques qui ont une spécificité, les deux. Alors, le premier chèque, c'était un chèque au nom d'une société, mais que ce client avait fermé depuis 4 ans, donc il savait très bien. Vous vous êtes fermé depuis combien de temps, là ? Parce que il faudrait rouvrir le magasin, parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur les fins de série au niveau c'est des vendredi, mots. Julien. Alors, c'était la société d'Abdelkader qui l'avait fermé depuis 4 ans. Donc, c'était un chèque inutilisable. Donc, il fait un chèque alors qu'il sait que la société est fermée depuis 4 ans, c'est quand même assez grave. Deuxième chèque. Et deuxième chèque, eh bien, c'est un chèque cette fois-ci de son compte personnel et il a fait opposition sur ce chèque, opposition pour perte de façon à ce qu'il ne puisse jamais être payé. Alors qu'il a donné le chèque au commerçant, exactement. C'est-à-dire qu'il lui donne le chèque, tiens, je te paie, et puis immédiatement il va à la banque en disant je l'ai perdu. Et maintenant il faut absolument que la banque lève l'interdiction sur ce chèque, puisque l'opposition, puisqu'il n'y a pas de perte, on le sait maintenant, le juge l'a déclaré. Et le juge a ordonné la main levée. Bon. Alors, ce que nous savons aussi, c'est Bernard qui a appelé la banque de notre témoin, de Jean-Marc, en disant, voilà, Jean-Marc a ce chèque, il l'a toujours de 7000 euros, il l'a toujours entre les mains, il l'a redéposé pour voir si, eh bien, enfin, il peut avoir les fonds. Sa banque nous a dit, écoutez, nous, on n'a aucune nouvelle, on n'a pas reçu de fonds de la part de la société qui est la BNP, qui, elle, doit lever l'opposition et ça nous permettra de savoir s'il y a de l'argent ou pas d'argent. Alors, où en est-on avec la BNP ? Est-ce qu'on les a appelés ? Pas encore ? Moi, je ne les ai pas eus encore, mais je vais les appeler juste dans quelques secondes, si vous voulez bien. Mais je rappelle que Abdelkader ne répond plus du tout. On ne laisse même pas sonner son portable. Mais nous insistons parce que nous voulons qu'il donne sa version des faits. Nous voulons que ce monsieur Abdelkader Guedioni nous dise, vous vous trompez complètement, je lui laisserai tout le temps d'antenne. J'insiste pour qu'il nous rappelle, pour qu'il nous dise que Jean-Marc Poujade, l'auditeur, est un imposteur, que nous sommes des incompétents, que nous n'avons rien compris. Nous avons juste un jugement sous les yeux, deux chèques, dont un qui a été fait alors qu'une boîte était fermée, qu'il nous l'explique. Mais à chaque fois qu'on pose la question sur le chèque, ça raccroche et on a appelé deux fois. Très rapidement, Maître Félix. Alors, on sait qu'il a vendu un nouveau fonds de commerce. Il exploitait un bar à Chicha. Il l'a vendu en octobre pour la somme de 100 000 euros, mais il y a déjà une opposition de fait par un créancier de ce monsieur qui a dit, attendez, vous avez de l'argent, mais vous n'allez pas l'avoir avant de m'avoir payé. Le deuxième cas a été lancé en parallèle. Fred devait décoller à 1h20 du matin. Il est finalement parti à 17h38, soit 16 heures plus tard. Il nous faut lancer les appels. Bernard, vous avez poussé un coup de gueule contre l'agence de voyage. On ne peut pas dire sur RTL, à longueur de journée, prenez un forfait, passez par une agence de voyage, car elle vous amènera une plus-value, une valeur ajoutée, pour, quand il y a un problème, que cette valeur ajoutée ne s'actionne pas et que l'agence de voyage dise « débrouillez-vous, 16 heures d'attente ». Exactement, on ne lui dit pas « débrouillez-vous », on lui dit juste « voilà, 60 euros de dédommagement, non, de bon d'achat, de bon d'achat en avoir, et comme ça on est sûr de vous garder ». Vous êtes obligé de revenir chez nous. Non, mais là, c'est ce moquet. Allez, Fred, on y va dans une seconde. C'est pour Fred tout ça, les amis. Dans quelques instants, on va voyager avec lui. À tout de suite. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël de Stéphane qui changent. Avec des bons d'achat de 5 euros à valoir au rayon jouets. Stéphane, des 50 euros d'achat, tu reçois un bon de 5 euros. Tu peux dire à tes enfants que cette année, la hotte du Père Noël sera plus grande que celle de l'année dernière. Jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan, Auchan Drive et Auchan.fr vous offrent 5 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat. Et vos cadeaux changent. Auchan. Dans la limite de 3 bons cumulables, soit 15 euros à valoir au rayon jouets. Réservé aux porteurs de la carte Wahoo. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Rentrer chez soi, savoir que ses moindres désirs sont exaucés. Tout est rangé, lavé, repassé, comme on l'aurait fait. Sauf que l'on n'a rien fait. Sinon, demander et être écouté. Être compris, être conquis. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez-nous au 0811 46 46 46 au prix d'un appel local ou sur shiva.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Cette année encore, la sécurité routière est partenaire des pros ont du talent. Pierre Terquem, vous dirigez GMT Conseil à Pau et vous avez remporté le 15 novembre dernier le premier prix du pro de la sécurité routière. Félicitations. Merci. Nous sommes très fiers de voir effectivement que les engagements que nous avons pris en faveur d'une route plus sûre sont aujourd'hui récompensés. Et vous pouvez nous donner des exemples ? Parmi les nombreux engagements que nous prenons dans l'accompagnement de nos collaborateurs, nous organisons l'activité de l'entreprise afin qu'il n'ait pas plus d'une heure et demie de déplacement et prenons en charge l'hébergement à proximité de leur rendez-vous. Un autre de ces engagements est d'accompagner les collaborateurs dans la sensibilisation d'une bonne conduite et notamment la non-utilisation du téléphone. Merci beaucoup Pierre. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons maintenant pour le cas voyage, Charlotte. Fred a subi un retard de 16 heures sur son vol retour suite à ses vacances. Il attend une indemnisation. C'est parti Fred, ça sonne. Nous appelons l'agence de voyage, on est bien d'accord. Allô, Aquatour ? Ah non, ça ne répond pas. Aquatour, agence de Valenciennes. Bonjour Aquatour, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je vous rassure, rien de grave. Êtes-vous Catherine ? Est-ce qu'elle m'aurait raccroché au nez ? Non. Ah non, elle a juste posé. Ah oui. Je connais les femmes, je sais quand une femme me raccroche au nez. Je veux bien qu'on réessaye. J'ai dans ma vie plus de femmes qui m'ont raccroché au nez que de femmes qui ont accepté de me parler. Bah, donc, c'est une femme quand même. Hein. Elle a cru que c'était une blague, j'en suis sûr. Donc du coup, nous rappelons maintenant. Nous rappelons Aquatour. Alors après, les compétences de l'émission sont quand même assez limitées. Il se peut très bien qu'en appelant Aquatour maintenant, on tombe sur Abdelkader Guedioni du premier cas, qui va du coup nous répondre. C'est ça qui est magnifique avec cette émission, c'est qu'on appelle et on ne sait pas sur qui on va tomber. Comme le disait Forrest Gump, la vie est une boîte de chocolat. Allô ? Aquatour ? Ah, si vous voulez bien me parler, ne pas me raccrocher au nez, nous sommes en direct sur RTL, ça ne fait pas bon effet pour la clientèle qui écoute. M'entendez-vous, Aquatour ? Alors, là, ils sont en ligne. La première fois, on nous a raccroché au nez. Là, maintenant, on ne parle plus. Ce n'est pas une blague, Aquatour. Aquatour, agence de Valenciennes. Bon, alors nous allons appeler donc le groupe Thomas Cook pour leur expliquer que chez Aquatour, agence de Valenciennes, il ne faut plus engager de ventriloque. Car malheureusement, ça ne sert pas beaucoup pour avancer dans les dossiers. Donc il y a quelqu'un en ligne là chez Aquatour ? Eh bien écoutez, ça a répondu mais personne ne nous parle. Mais il y a quelqu'un, je pense. Ben je pense. Bon, ben, écoutez, qu'il reste comme ça. Donc on est toujours sur le cas. Alors puisque vous m'écoutez, monsieur ou madame d'Aquatour qui ne parlait pas, on est là pour aider un de vos clients, Frédéric Bonny. Frédéric Bonny, 16 heures de retard sur un vol qui l'emmenait de Rhodes à Lille. Il n'y a toujours personne chez Aquatour ? Non, je vais essayer une autre ligne en parallèle. Alors, essayons une autre ligne chez Aquatour. C'est parti, deuxième. C'est quand même incroyable, hein, cette histoire. Moi, je vais cesser, je vous le dis, mon petit Bernard. Moi, je vous écoute, je dis, les agences de voyage, c'est formidable, etc. Mais enfin, voilà, quand on a un problème, si c'est pour être traité comme ça, ne dites c'est pas si formidable. Ne dites pas ça. Non, je ne le dis pas, mais je dis que je suis sur le point de le dire. D'accord, mais ne le dites pas. Reparti sur Aquatour. On n'est pas méchant, on est gentil, on appelle, on essaie de comprendre. Ça, c'est vrai. Alors, c'est maintenant... Toujours le même numéro, c'est un nouveau numéro. C'est le deuxième numéro, mais on devrait encore tomber à l'agence, j'espère. Bon, en tout cas, si vous vouliez partir avec Aquatour aujourd'hui, il va falloir remettre votre appel à demain. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne ne répondra. Allô ? Allô ? Aquatour, bonjour. Oh, vous voyez, je suis de mauvaise langue. Aquatour, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL, madame. Ce n'est pas une blague. Tout à l'heure, il y a une personne qui nous a raccroché au nez, mais je pense qu'elle pensait que c'était une blague, donc je ne lui en veux pas. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on a essayé de se joindre à notre direction. Ah, pardon. Vous patientez un petit instant. D'accord. Je ne vous dérange pas. Avec plaisir. Merci. Voilà. Bon, donc, mais encore une fois, il suffit de dire, monsieur, je vais essayer de vous passer ma direction et pas poser l'appareil et de partir parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe. Donc plutôt bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle et je pense que les gens de Thomas Cook qui sont propriétaires de ces agences vont regarder le process parce qu'on ne peut pas répondre comme ça, comme vous dites, ce n'est pas très élégant. Mais non, mais... J'imagine les clients, Julien. Moi, j'imagine toujours des clients qui apparaissent après vous. Ceci étant dit, là, vous appelez, vous dites c'est la radio, il peut y avoir un moment de panique. Ça, franchement, il ne faut pas leur en vouloir pour ça. Mais demandons à Fred. Vous, Fred, quand vous les appelez, comment ça se passe ? Bien, habituellement. Mais non, ben voilà. Non, mais il faut c'est le dire. Il a raison de le dire. Il vous répond bien tout. Donc il faut pas. Voilà, à quoi tour, ça doit être des gens sérieux. Non, d'habitude, ça se passerait très bien. C'est juste là, ce voyage qui s'est mal passé. Mais oui, alors d'accord, le voyage s'est mal passé. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent clairement quand vous leur expliquez ce n'est pas la loi, vous devez m'indemniser, etc. Comme je vous ai envoyé, on avait fait une réclamation. Dites-moi ce qu'ils vous disent. Ne me dites pas que vous avez fait une réclamation. Dites-moi le dernier dialogue que vous avez eu avec eux. Ils vous ont dit quoi ? Donc ça, 50 euros. Oui. Qui transmettait au-dessus, quoi, au niveau du siège, et qu'on allait avoir une réponse. Et la réponse, c'était 50 euros par personne. On rappelle que ça traîne depuis janvier 2018. Juillet, pardon. Ah ben j'avais lu en janvier 2018, mais c'est pas votre cas. Visiblement, c'est celui de Véronique qui va arriver tout à l'heure. Donc, ceci expliquant cela. Comme quoi, il y a toujours une explication à tout. Alors, si, je rappelle que pour la moto de Jean-Marc, nous attendons toujours que M. Abdelkader Guédioni prenne la parole pour nous donner sa version des faits. Il parlera aussi longtemps qu'il le voudra et nous expliquera le mystère de ces deux chèques. Pour Fred, nous avons Aquatour, agence de Valenciennes, qui est allée chercher la responsable d'agence. Non, je pense qu'il doit appeler le service après-vente. Ne coupez pas, madame. Allez-y. Ah, elle est en train d'expliquer. Madame. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. On va peut-être commencer la farandole des cas avec Véronique, qui a le même problème. Véronique, elle, un petit peu moins d'heures, mais on est quand même à une bonne petite quinzaine. Elle partait de Rhodes. À 22h45, et son vol est finalement parti le lendemain à 13h50. Elle non plus n'a pas été indemnisée. Eh bien, nous allons écouter celle qui fait partie maintenant de la compilation double CD, hein, à l'honneur aujourd'hui, que je vais envoyer d'ailleurs aux auditeurs, qui passent sur l'antenne. Les hits RTL 2018. Vous retrouvez tous les hits de l'année. Elle est vraiment géniale, cette compilation. Et écoutez bien, dessus il y a Zazie avec Speed. Puis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher. Zazie sur l'antenne d'RTL, sur le cas voyage que nous sommes en train de traiter, Charlotte, sur RTL en direct. Fred a subi un retard de 16 heures sur son vol Rhodes-Lille. Il a droit à 800 euros d'indemnisation. Où en est-on avec Aquatour, s'il vous plaît, Bernard Sabat ? Écoutez, donc la chargée du dossier, Catherine, a pris le dossier en main. Elle regarde tous les détails et elle me demande d'attendre un petit peu. Donc on va patienter, vous êtes d'accord ? Avec plaisir. Et nous allons nous retrouver donc dans un instant pour rebondir sur un cas qui, lui, s'est déroulé, je crois, hier ou avant-hier, où il est question également d'une quinzaine d'heures. Effectivement, comme Fred, Véronique est victime d'un retard de vol, 15 heures de retard pour sa part. Ces enfants, on a vu les photos hier, hein, qui sont assez touchantes sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Les enfants qui dorment par terre toute la nuit, un petit bon pour aller s'acheter un sandwich. Doit-on traiter comme ça les passagers quand l'avion ne décolle pas ? Nous ne le pensons pas. Nous revenons sur ce dossier, nous avons du nouveau. Carrefour, on a tous droit

je suis désolé, c'est le service client. Et on n'avance pas. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de prérogatives qui puissent être prises dans les magasins locaux Maître Félonon. Je suis bien d'accord, mais bon, les organisations se ressemblent toutes maintenant pour effectivement avoir une gestion centralisée et moins coûteuse. Tout ce qui est sinistre et réclamation, ça fait l'objet d'un service à part. Cela dit, moi, quand même, dans, ce qui me, dans les deux dossiers là que nous avons, ce qui m'énerve et qui me choque, c'est que non seulement la loi européenne prévoit une indemnisation en cas de retard, mais surtout, et la première des choses, c'est qu'elle prévoit une assistance. Et l'assistance, c'est pas un petit ticket repas. Alors, les assistés, on leur a dit, prenez ce banc pour dormir. Voilà, on exactement. Est bien organisé. Vous, c'est plutôt par terre, vous étiez, voilà. Voilà, donc ça, c'est parfaitement inique. Et c'est, là, c'est le ressort de la compagnie d'avion aussi. Et ce sont des choses anormal qui se passe, et c'est vraiment, moi, on est du bétail, c'est pas normal. Et c'est encore une fois en passant par une compagnie. Alors attention, moi, vous faites comme vous voulez, et je comprends, les compagnies low cost ne sont pas chères. Je veux juste vous expliquer qu'il faut qu'elles comprennent elles-mêmes. C'est pas parce que c'est pas cher qu'on traite les clients comme ça. Donc on va y revenir d'ailleurs, déjà trois compagnies qui ne répondent jamais. Là, on a des cartels, on a un appel, on n'a rien. C'est-à-dire qu'il y a Vueling, il y a Volotea. Wizz Air, là il y avait la compagnie Smartwing aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est Smartwing et hier c'était une compagnie polonaise, oui, je crois. Oui, c'est Interair. Interair. Donc vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'après il n'y a aucun traitement. Il faut le savoir. Alors peut-être que ça fait partie justement du prix, se dire je ne vais pas payer cher, mais après si jamais l'avion ne décolle pas, je devrais me débrouiller. Il faut le savoir dès le début. Alors je vais évoquer quelque chose d'important, Julien. À partir du 1er janvier 2019, les tour opérateurs et les agences de voyage devront déclarer la compagnie aérienne que prendront les passagers. Et là ils arbitreront les clients. C'est-à-dire qu'ils pourront dire, ah, moi, excusez-moi, cette compagnie-là, ouais, je ne la souhaite pas. Par contre, combien ça coûte pour prendre une autre compagnie? Ça coûte 160 euros de plus, mais au moins, ils ne seront devant le fait accompli. Et ça, c'est une bonne chose, Julien. Oui, puisqu'on découvre souvent la compagnie au dernier moment. Allez, ça marche. Nous allons donc revenir dans une seconde sur le cas de Véronique. Elle aussi a décollé en retard 15 heures après l'heure prévue initialement. Alors, Véronique, bonjour. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Vous êtes en train de creuser un puits de pétrole, peut-être, Véronique? Bon, non, tout va bien. Bon, très bien. On vous retrouve dans une seconde pour s'occuper de votre cas. À tout de suite. Merci. Et, j'ouvre une parenthèse, Charlotte. Dites bien, précisez quand même que c'est l'avion de Véronique. Parce que vous dites, Véronique, elle a décollé avec 16 heures de retard. On a l'impression que vous allez nous raconter sa nuit d'hier. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Vous connaissez ce chanteur? Si moi, aimez-toi, blessez-moi. Vous connaissez cette bête de scène? Est-ce que c'est compris, Paris? Eh bien, c'est une autre facette du talent de Vianney que je vous propose de découvrir. Il est en effet à l'affiche de Ma mère est folle, où il donne la réplique à Fanny Ardant. Vianney et Diane Curie sont dans À la bonne heure. Et À la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Moi, je suis moi-même au fil et je fais tout moi-même. Le sapin, c'est moi. Faut dire que les aiguilles, c'est toute ma vie. L'année dernière, j'ai fait 4e au championnat de France de tricot de vitesse. Non, Noël, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, préparer Noël avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 1er décembre, Gamme Vert vous propose le sapin Nordman qualité extra 100-125 cm à 14,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Picard. Le plaisir de faire son propre foie gras. La pointe de poivre, la pincée de sel et le goût du premier toast. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne manquerai ça pour rien au monde. Ce week-end, c'est le très bon Friday chez Picard. Jusqu'au 2 décembre, avec la carte Picard et moi, profitez de 30% de réduction sur le foie gras cru de canard du Sud-Ouest à seulement 24,47€ les 400 grammes, soit 61,17€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Voir conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. RTL présente les Étoiles du Sport. Du 25 au 30 novembre, TIM y accueille la 17e édition des Étoiles du Sport. Le rendez-vous incontournable de l'hiver revient autour du concept « Les champions d'aujourd'hui parrainent les champions de demain ». Cette année, retrouvez les plus grands sportifs français. Perrine Laffont, Yannick Agniel, Vincent Clerc, Sarah Ouramoun, Thibaut Pinot, Florent Manaudou. Les Étoiles du Sport avec RTL et FDJ aux côtés des champions depuis plus de 25 ans. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui arrive à Noël? Un kilo de litchi. Bah ouais. Mais comment t'as trouvé? C'était facile. Dès aujourd'hui, le kilo de litchi est à 5,59€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Madagascar. Messieurs, dames, notre voyage continue direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, oh, c'est haut. Et en plus, c'est beau. À Noël, chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Ouais, c'était Julien Courbet. Alors attention, il y a du nouveau, car il y a d'un côté le cas des 18h où il part de Rhodes pour aller à Lille, et il y a le deuxième cas où elle part de Rhodes pour aller à Paris, c'est le cas que nous allons faire, et c'était le même jour. Exactement. On vient de s'en apercevoir alors que nous avons les documents depuis près de 6 mois. Mais non, je plaisante. On le savait, mais on va essayer de savoir ce qui s'est passé ce jour-là dans l'aéroport de Rhodes, parce que l'argument du coup, c'est de dire panne technique dans tout l'aéroport, cas de force majeure, personne ne part, on ne rembourse pas. Or, je pose tout de suite la question. C'est pas d'ailleurs Jean-Pierre Foucault qui va la poser. Ah oui. La question à notre amie, comment s'appelle-t-elle? Fred. Non, pas Fred, Véronique. Véronique, lorsque vous êtes... Attends, là, c'est plus Jean-Pierre Foucault, c'est... je sais pas qui Foucault. Véronique, lorsque vous êtes dans l'aéroport et que vous passez la nuit entière à attendre, est-ce que vous voyez un vol décoller? Affirmatif. Il était quelle heure? Oula. Il était où là? Comment? Où là, c'est quelle heure? Où là, dans la nuit, parce que la panne informatique a duré longtemps. Oui. Ça, c'est certain. Mais il y a des vols qui ont décollé. Bien sûr. Est-ce que vous le confirmez également de votre côté, Fred? Affirmatif. Vous avez vu également, dites donc, vous travaillez tous les deux dans la gendarmerie. Vous avez vu, vous aussi, des avions décoller? Oui, en plus, il n'y avait pas de clim dans l'aéroport, donc on était souvent dehors et on a vu des avions partir. Bon, alors on ne peut pas mettre ça sur le compte de aucun avion n'a décollé, ça change beaucoup de choses. Oui, j'ai donc un slogan, Julien, ça sera on the road again. Ah oui, parce que ça part de road. Écoutez, c'est pas mal. Ah oui. Oh là là. C'est pas mal. Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est drôle, mais en tout cas, franchement, là, on sent qu'on a franchi un cap. On appelle tous ces gens-là dans une seconde après avoir écouté ce titre-là. C'est votre cousine éloignée, Naya. Qui s'appelle, je le rappelle, Felono, et qui est de la même ville, donc on pense qu'elles sont cousines, ce qui intéresse fortement Nathalie Felono, l'avocat, mais dont Naya n'en a strictement rien à faire. Girl on the moon. She the girl on the moon. As of now we can see her. No hope she will be back soon. She's free, she defies the law of gravity. She can become your best friend if you look up by the sky each night of the full moon. You will see dancing. She will be in your dreams. Should have said our safe place to stand. How many miles away, like a star shining bright in the dark of the night. Back soon. c'est Naya. Et ça fait bien sûr partie, puisque tous les titres que vous entendrez tout au long de la journée sur RTL font partie de cette compilation qu'il faut vraiment acheter et offrir pour Noël, où il y a Naya, Girl on the Moon, Paul McCartney, Zazie, Lenny Kravitz, enfin bref, que du bon. On revient donc sur le cas de Véronique qui est passé hier. Réexpliquez-nous rapidement, Charlotte. Son vol a décollé en retard 15 heures après l'heure prévue initialement. Et ses enfants, Véronique est avec nous, ont dû dormir par terre, elle a attendu et encore une fois, elle a le droit. Ce n'est pas une question de négociation. Rappelez-nous sous forme de règle d'or, s'il vous plaît, Bernard Sabat, quand il y a du retard comme ça et que l'on part de Rhodes pour aller à Paris, elle a le droit à une indemnisation qui est définie par la loi. La règle d'or sur RTL. Laquelle ? La Convention européenne de 2004 propose la chose suivante, Julien. Les vols qui ont moins de 1500 km, et si vous avez plus de 3 heures de retard, ou si vous êtes surbooké, vous avez le droit à une indemnité de 250 euros par passager. Si on est entre 1005 et 3005, on est à 400 euros par passager de dédommagement. Et puis, au-dessus de 4000 km, on est à 600 euros, exception. Lorsque c'est les dom-toms, c'est 400 euros forfaitaire par personne. Et là, pour Véronique, c'est 400 euros par passager, soit 1200 euros pour les 15 heures de retard à l'arrivée. Or, d'après ce que j'ai cru comprendre, on ne lui propose rien. Elle ne cesse d'aller. Alors, elle avait été dans son agence de voyage promo vacances qui lui avait dit « mais on va s'occuper de ça, etc. » Mais Véronique, toujours rien du tout. On est bien d'accord, on ne vous a fait aucune proposition concrète. Ah non, toujours rien. Bon, alors, promo vacances, que se passe-t-il ? On les a appelés hier, ils devaient revenir vers nous. Bernard Sabat. Oui, ils l'ont fait. Et d'abord, la première chose, c'est qu'ils ont actionné l'assurance qu'avait évoqué Maître Fellonneau de présence-assistance, qui prévoyait, lorsqu'on a un retard d'avion, un dédommagement de 100 euros par personne. Le règlement est parti hier, donc je pense que notre auditrice va le recevoir, soit 300 euros. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas assez. Non. Ça, c'est une indemnité complémentaire parce qu'elle avait pris une assurance spéciale en agence de voyage, ce qui est déjà pas mal. Elle a payé 82 euros, elle va toucher 300 euros. Ça, c'est le premier point qu'a actionné Promo Vacances avec présence assistance. Deuxième point, j'ai reçu à 10h03 un mail que je vous lis, Julien. Au niveau de Thalasso numéro 1, donc notre partenaire dans cette opération, on a besoin d'un délai supplémentaire pour la demande des clients sur l'application de la réglementation européenne. Je reviens vers vous mercredi au plus tard, signé Audrey, responsable du service client. Voilà bon, ce que allez, vient de nous dire. On va attendre donc jusqu'à mercredi pour un vol qui a eu lieu en janvier 2000. En juillet. Ça a été commandé en janvier, Julien. Ah oui, elle est passée en janvier 2018, d'accord. Voilà, il va falloir attendre et attendre. Alors c'est incroyable que nous, la loi, quand ça nous concerne, il faut qu'on paie tout de suite. Mais alors, par contre, pour les compagnies, etc., ils ont le droit, eux, d'attendre et d'attendre. Non, mais en fait, elles cherchent à vérifier s'il n'y a pas un cas de force majeure qui dispenserait la compagnie et tous les acteurs de payer cette fameuse indemnisation. Est-ce que c'est compliqué de prendre son téléphone et d'appeler à Rhodes en disant, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu un cas de force majeure, sachant qu'on sait très bien qu'il y a des vols qui ont décollé. Voilà. Mais tout ça fait gagner du temps et du temps. Et là, elle passe sur RTL, mais celui, excusez-moi, qui ne passe pas sur RTL, il attend toujours et il chante la chanson de Dalida, j'attendrai le jour et la nuit. Bien. J'attendrai toujours le tour opératoire. Oui. Non, juste une chose, c'est que c'est difficile d'obtenir de la part d'un aéroport des informations de ce type, Julien, parce qu'évidemment, les compagnies aériennes payent des taxes, parce qu'ils décollent et ils atterrissent, et évidemment, les intérêts communs, c'est ce qu'on appelle du lobbying, Julien. Vous avez des sites comme demandezjustice.com, les amis, faites actionner ça, ça vous coûte juste le timbre, ils font la démarche pour vous, et je peux vous assurer que quand le papier bleu arrive, ça va vite, convocation, et c'est payé tout de suite, donc ne vous laissez plus faire. Il faut maintenant penser à la vitesse supérieure. Bon, donc normalement, mercredi, on aura du nouveau. On nous l'a promis. Alors, merci, écrit, Julien. À promo vacances. Nous allons dans une seconde revenir sur l'enquête de Charlotte. On va remercier Véronique. Mercredi, on se reparle. Ça fera, disons, la troisième fois, Véronique, qu'on devient. On devient intime. Il faut dire les choses comme elles sont. Avec plaisir. Oh, avec plaisir. J'en ai entendu des avec plaisir, de dégoût. Mais alors, celui-ci, c'est le pire que j'ai entendu, je vous le dis, Véronique. Je vous dis à mercredi. Je vous fais un gros bisou. À bientôt, merci bon, à tous. En tout cas, je ne sais pas du côté de Rhodes, je n'y ai jamais été. Vous avez été déjà à Rhodes ? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet aéroport ? Parce que c'est quand même le deuxième de Rhodes qui... Oui, je ne comprends pas, il y a eu cette panne informatique en pleine saison. Ils sont toujours en 110 volts, non ? Je ne sais pas. Mais peut-être, on ne sait pas. Je ne sais pas, franchement, je suis surpris. Bernard Lavillier l'avait chanté. Ah oui. Vous le disiez tout à l'heure, c'est on the road again, ça décolle pas. Encore un Bernard. Pardon ? Encore un Bernard. Vous avez raison. Et un qui a réussi, là, pour le coup. Alors, nous allons... Merci, Julien. 34 ans, merci de le signaler. Nous allons voir votre enquête. De quoi s'agit-il, Charlotte, dans une seconde ? Je vais vous parler du trafic d'animaux sauvages. Un sujet pas très drôle, mais important. C'est pas drôle, c'est important. Et c'est Blanche Grandvilliers. Ça fait partie de notre semaine, comme elle le fait régulièrement, le point sur la maltraitance animale. Et après, des nouvelles de la mascotte. Parce qu'on n'en parlait plus. Le toutou Napo, vous le savez, vous avez financé, bravo,

Enfin, la banque, la BNP, quand même, au-dessus de ça, je suppose. Donc, on attend toujours sur ce dossier que M. Abdelkader Guédioni, qui est à Vitry-sur-Seine, nous explique, un, pourquoi il a fait un chèque sur une société qui était fermée depuis 4 ans, deux, pourquoi il a déclaré un chèque perdu alors qu'il l'a lui-même donné aux commerçants qu'il devait des sous, et s'il compte payer ce que le juge lui a demandé de payer, à savoir 7 566 euros plus 2 000 euros de frais de justice. Apparemment, il a ouvert, après avoir été taxi-moto, un bar à chicha qui lui-même aurait été revendu, donc peut-être qu'il y a du séquestre. Nous ne lâchons pas l'affaire, nous lui donnons la parole aussi longtemps qu'il le voudra pour parler sur l'antenne et nous dire que tout ce que l'on dit est faux, il est prioritaire, il peut nous appeler quand il veut. Quant à la BNP, on les appelle de l'autre côté pour essayer d'avancer avec ce directeur de la communication. Votre enquête, s'il vous plaît, maintenant, Charlotte. Avec Maître Blanche de Grandvilliers, on s'est intéressé au trafic d'animaux sauvages, un crime qui représente 15 à 20 milliards de dollars dans le monde et qu'Internet alimente malheureusement tous les jours. Le Fonds international pour la protection des animaux a recensé plus de 5000 petites annonces illicites de vente d'animaux sauvages. Alors j'ai fait le test moi-même, extrait d'une conversation avec un vendeur localisé en Roumanie. Nous avons deux bébés tigres et un bébé guépard. Réma est très gentil, il sera le compagnon parfait pour votre famille. Nous connaissons des gens qui travaillent à la douane et qui vont vous aider à obtenir les papiers nécessaires. Les annonces, je les ai trouvées très facilement via Google et j'ai été contactée par 5 ou 6 personnes, principalement d'Europe de l'Est. Pourtant, l'importation de certaines espèces d'animaux sauvages menacés, et notamment les tigres, est strictement interdite par une convention international. Je suis aussi tombée sur des personnes vendant des peaux d'animaux ou des cornes de rhinocéros, évidemment interdites aussi. En France, les services des douanes luttent tous les jours pour stopper ces trafics. Écoutez Amélie Dieude, chef de division à la direction du renseignement douanier. En 2017, la douane a saisi 575 animaux vivants, parmi lesquels essentiellement des reptiles, des serpents, des tortues, des caméléons, des oiseaux. Et puis bien sûr, malheureusement, on saisit des spécimens morts concernant l'éléphant, de l'ivoire. Le commerce d'espèces illégale représente la 4e activité la plus lucrative au monde. On voit des phénomènes criminels qui emploient des méthodes de plus en plus proches de celles de trafic de stupéfiants par exemple. Mais vous avez aussi tout simplement des collectionneurs d'oiseaux et la passion emporte sur le respect de la réglementation. Ce trafic sert des personnes qui souhaitent utiliser des parties d'animaux comme objet de décoration ou comme remède contre des maladies, mais aussi des personnes qui aiment ces animaux et ne voient pas le mal à vouloir les garder chez eux. Réaction de Céline Sisler, bien bienvenue, directrice France du Fonds international pour la protection des animaux. Si on est sur des animaux vivants, en général, c'est pour être des animaux de compagnie, même s'ils n'ont absolument, évidemment, rien à faire sous le statut d'animaux de compagnie. Aujourd'hui, la faune sauvage fait l'objet d'un trafic international et on peut, sans s'en rendre compte, contribuer à cette criminalité. Or, le trafic est la deuxième cause d'extinction des espèces sauvages après la destruction de leur habitat naturel. Merci beaucoup, Charlotte. Et il n'y a qu'une façon de lutter contre ça, c'est un, de dénoncer. Quand vous voyez des gens qui ont un lion dans le coffre, un bébé lion, etc., ou qui ont ça chez eux, il ne faut pas avoir honte de le faire parce que il faut arrêter ceci. Et des peines que les juges tapent sévèrement, des peines beaucoup plus lourdes. Un animal de la savane est fait pour être dans la savane. Qu'est-ce qu'il va faire dans un appartement à Paris? Et puis après, on massacre les rhinocéros pour leurs cornes. Interdisons tout ça, luttons, mobilisons-nous, parce qu'il ne restera plus que du béton bientôt sur cette planète. Nous allons maintenant parler de quelque chose de beaucoup plus positif. Est-ce que le président de l'association est en ligne avec nous, notre Paul Charles préféré? Paul Charles, le président de la Fédération française l'association des chiens d'aveugles. Comment merci, ça va Julien. Oh, très très bien Julien, et je pense que vous avez vu notre magnifique vidéo de Napo. Alors expliquez-nous, déjà on rappelle que Napo donc, est un chien qui a été financé par les auditeurs d'RTL qui ont donné 25 000 euros pour qu'il soit formé pour être les yeux d'un non-voyant, et on suit, c'est notre mascotte, on suit maintenant sa formation. Alors qu'est-ce qu'il a appris? Alors j'ai dit le passage clouté, langage de vieux, il a appris... Alors on commence à lui apprendre, il rentre dans la phase active de son apprentissage, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il circule en ville, qu'il guide correctement son futur maître. Donc il faut lui dire à quel endroit et comment il doit obéir pour justement que son maître, futur maître, puisse traverser les rues en toute sécurité. Donc là, vous voyez, l'approche, son éducatrice le fait asseoir pour dire « attends, dans l'ordre de traverser ». Ça fait partie des éléments importants. Paul Charles, le but du jeu, c'est que quand il est capable de reconnaître un passage piéton.

Et durant le concert, Maître Felonneau, il y a une chanson, je pense que c'est du dernier album, où il y a un clip derrière lui, parce que comme ils sont dans des stades, ils sont obligés de mettre des écrans géants pour meubler un petit peu tout ça, parce que vous, vous le voyez en tout petit. Ouais. Il y a une série de stars dans son clip qui chante en même temps que lui, virtuellement. Vous avez Meryl Streep, je crois qu'il y a Matt Damon. Il y a, mais un truc de dingue. On regardait ça un après les autres. Ils arrivaient. Tous ses copains qui venaient chanter. Il y avait nous qui n'étions pas dedans. Bah non. Nous allons refaire un point info sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui va arriver lundi matin. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Lundi matin, nous reviendrons sur le cas de Jean-Marc. Il a réparé une moto pour un client. Ce dernier l'a payé avec un chèque en bois et un chèque déclaré perdu. Préjudice pour Jean-Marc, 9000 euros. Lundi, nous essaierons de joindre de nouveau Abdelkader Guédioni à Vitry-sur-Seine, qui, je le rappelle, a été condamné par la justice. Et nous essaierons d'avoir la BNP alerte. Oui, ils viennent de m'appeler, la BNP. Super. Ils regardent le dossier. Je pense qu'on aura du nouveau lundi ou mardi. Bah, vous voyez, on a bien fait d'appeler ce monsieur, parce qu'ils ont un super DIRCOM qui est adorable et qui veut en sorte que les dossiers avancent. Et là, je pense que la BNP peut comprendre que ce pauvre Jean-Marc, il est quand même victime, là, d'une action qui peut être débloquée par la BNP. Ça serait tant mieux. Qui, je rappelle, a été aussi condamné par le tribunal à lever cette opposition. Le tribunal a condamné la BNP et la BNP ne l'a toujours pas fait, c'est ça ? Alors, justement, c'est ce qu'on cherche à savoir et à vérifier. Nous avons un deuxième cas qui a été traité, c'est celui de notre auditeur Fred. Il est resté coincé 16 heures à l'aéroport et ni l'agence ni la compagnie ne l'indemnisent pour l'instant. Où en est-on ? C'est l'après-midi, Julien. Je reviens vers le service client de Thomas Cook, donc le producteur de ce voyage. Et puis donc lundi, on aura du nouveau. Et pour Véronique, elle pareil, le même voyage quasiment. L'un c'était Rhodes-Lille, l'autre c'était Rhodes-Paris le même jour. Et exactement, là on aura du nouveau mercredi. J'accueille Christian sur l'antenne d'RTL. Christian, bonjour. Oui, bonjour Julien et bonjour à toute votre équipe. Bonjour Christian, vous nous aviez dit que vous gériez une entreprise de distribution automatique de boissons pour renouveler votre parc auto. Vous aviez payé 18 670 euros en juillet pour l'achat d'un fourgon neuf. Vous êtes reparti avec la facture et depuis on vous a appris que le constructeur a récupéré minimalité de votre véhicule. Alors c'était un truc de dingue, c'était le constructeur qui était venu dans le magasin récupérer des voitures parce que le concessionnaire n'avait pas payé le fabricant de voitures et du coup le pauvre client qui lui avait acheté sa voiture, il la voit partir sous son nez. Avec l'eau du bain. Eh ben exactement. Voilà. Alors où en est-on, s'il vous plaît, le service juridique de Ford. Prenez le dossier en main. Christian, je vous écoute. Eh bien, Ford France a bien tenu ses engagements. Ford France. Oui, bon baiser de Ford France. Et oui, c'est le noyau d'eau. C'est la compagnie créole qui a réglé le dossier. Génial. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, c'est donc bon. En fait, le véhicule a été livré dans la deuxième concession de Dijon, qui est donc maintenant l'unique concession de Ford de Montchappé à Dijon. D'accord. En contrepartie de la subrogation de la dette qui était enregistrée auprès du mandataire judiciaire. Alors, vous avez votre voiture ? Voilà, j'ai mon véhicule. C'est ce qu'il fallait dire. Parce que pour tout le reste, on n'avait pas très bien compris. Merci, joyeux Noël, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Et merci à Ford de France. Ils ont redonné la voiture. On peut se prendre une vie de Médorion. Attention, au boire ou conduire, il faut choisir. Picard. Les Saint-Jacques juste poilés, leur chair fondante et iodée. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne manquerai ça pour rien au monde. Ce week-end, c'est le très bon Friday chez Picard. Jusqu'au 2 décembre, avec la carte Picard et moi, profitez de 30% de réduction sur les noix de Saint-Jacques labellisées pêche durable à seulement 13,97€ les 400 grammes, soit 34,92€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Placopecten Magellanicus pêché en Atlantique Nord-Ouest. Voir conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Cultura. Qui sait qui a pas encore écrit sa lettre au Père Noël ? Qui sait ? C'est toi ! Et le pauvre Père Noël, comment il va faire pour t'apporter des jolis cadeaux ? Si vos proches ne savent plus quoi inventer pour vous soutirer des idées de cadeaux, ne dites pas. Bah, il a qu'à demander des idées au lapin de Pâques, le Père Noël. Mais dites plutôt. Il ferait bien d'aller faire un tour chez Cultura, le Père Noël. Pas de panique pour vos achats de Noël. À partir du 14 novembre, toutes les meilleures idées cadeaux sont dans les magasins Cultura et sur cultura.com. De quoi passer un joyeux Noël. Cultura, l'esprit jubile. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat sur tous les jouets. Non mais c'est génial, 15 euros en bon d'achat sur tous les jouets. Résultat des courses, les meilleures économies, c'est chez Carrefour. Un Père Noël. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive et chez Carrefour Market, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat sur tous les jouets. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Limité à 150 euros d'achat hors console, jeux vidéo, accessoires, cycles et trottinettes. Bon d'achat valable du 3 au 9 décembre. Modalité, liste des magasins participants et ouverts dimanche sur carrefour.fr. One Man Show demain au Casino d'Enghien-les-Bains avec dans la salle Bernard Sabat et Maître Noël.